Là, je suis devant un cours d'eau. C'est pas un cours d'eau, c'est un plan d'eau. Un plan d'eau et la location des pédalos est ouverte. C'est magnifique cet endroit. qui fait l'accueil. Ah putain, mais j'ai trouvé Jessica dedans, hein. Ça fait si doux. Oh, mais Jessica dans la boue. Thank you. Est-ce que vous faites la fête ce soir? On va se poser. Putain, merci. Ah, d'accord. 25. Voilà. Merci. Il y a le 1 euro de consigne. Vous voulez commander ? Incroyable. Tu cherches quelque chose ? Des sons. Ah ouais ? D'accord. Tu quoi, tu mesures le son ? Tu mesures le son ? Non, non, ça enregistre. Ah, ça enregistre. D'accord. Ah ouais ? Oui. C'est cool. C'est pas mal. C'est dommage, j'aurais voulu entendre des... Je me suis dit, j'ai du bol, il y aura des bruits d'aiguilles. Ouais. Ça fait un beau bruit. Bah oui, ça aurait été chouette à capter. Dans une heure, si tu reviens. Ok, d'accord. C'est bon. Wow. J'y ai pensé. Ouais, ça marche, ouais, super. Pas de soucis, ouais. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je m'appelle Nico. Cédric. Salut. Thank you.